Veillé un matin dans un hamac, sous le soleil qui brûlerait ma peau, sous la chaleur je serais bien, sous la chaleur je serais bien. J'irai nager dans ma piscine, sans dents de la mer et sans sardines, sous la chaleur et sans requins, sous la chaleur je serais bien. Je veux vivre en couleur, en couleur, en couleur. Je veux vivre en couleur, en couleur, en couleur. Pas le bol du noir et blanc. En couleur, en couleur, en couleur, pas le bol du noir et blanc.